images, l'entends oublié me revient en tête. Instant tu as pour vérifier la véracité de mes dires, pas besoin de mener une enquête. Au fait, combien d'années j'habite ici, lorsqu'on appelle hésite ici, sur le fil d'Ariane de cette chaîne de vie qui s'en subit. Les salois, la dictature, chacun survit à sa manière, Mali les armes et les discours. À la guerre, comme à la guerre, du fond de mon taudis, je pense que là j't'ai taudis. Ouais. Combien de frères dérangent, je les ai volés. Aucun ne peut désolé. Même en temps orageux, j'ai pas gueulé des pointes et le pistolet. Champ d'action rafistolé. Méditation affûtée. Esprit enragé sous conscience muselée. Maudit soit l'homme impur. Que se coupe la langue de celui qui a son semblable palabre en injure. Libérez mon peuple prisonnier. Laissez raisonner la justice, l'humanité raisonner. Pour qu'elle puisse enfin étonner. Et tout donner, tout donner. Avec un bon coup de cœur sous les relais. Là, nos papas, nos mamas qui se rappellent son sou. Faut vous donner, vous donner tout, tout. Avec un bon coup de cœur, sourire aux lèvres. Faut vous donner, vous donner tout. Est-ce que là, nos papas, nos mamas qui se rappellent son sou. Le cœur sur la main, le poing fermé, je reste un king. Instinct du fils d'une reine, lancé dans l'arène d'une vie que parraine la haine. De Guada à Jérusalem, comme à l'apocalypse, n'est pas une fausse alerte. Depuis les mamelles de ma mère, j'admets que le mal mène. De semaine en semaine, mes semelles et mes pensées se mêlent. Ces mêmes frères hypocrites s'en mêlent. Les amis trahissent, te haïssent, tandis que les vrais restent fidèles. Devant chaque dilemme, chaque choix, je fais le choix de tout mener, fais idem. Que le black reste fidèle, marque le jardin d'Éden. Parce qu'à face à des gaines, parce qu'il n'a pas d'égal. Et que le love, c'est tout ce qu'elle égale. L'amour, le vrai, celui qui vient du fond du cœur. Respect immense à nos sœurs, à nos mères, gloire à nos pères. Éternelle louange à Dieu le créateur. Grand merci pour la faune et la flore. Les magnifiques bouchers de soleil, les belles idylles. Sourire des mômes, toutes ces magnificences qui nous émerveillent. Pauvres mortels, je vous souhaite à tous de vivre encore quelques belles bonnes saisons d'hirondelles. Différentes couleurs, un seul arc-en-ciel, un seul cœur. Apôtre d'une divine cause, même si morose. Que la paix règne chez les vôtres et les nôtres. Comme à l'île, je me sens pousser des ailes. Douce colombe folle, à mes yeux, ta couleur importe peu. Bénis ce lieu. Mais sur toi qu'avant de partir, on reste tous bien pieux. Marche deux à deux, faire le feu. Faut tout donner, tout donner, tout, tout. Avec un mot beaucoup de cœur sur les relèves, tout. Faut tout donner, tout donner, tout. Respect à nos papas, nos mamas qui se rappellent son sou. Faut tout donner, tout donner, tout, tout. Avec un mot beaucoup de cœur sur les relèves, tout. Faut tout donner, tout donner, tout. Respect à nos papas, nos mamas qui se rappellent son sou. La famille, mon statif, le si, la cognière, Petra. Merci, va la vie. Peace and love. Peace positive.